Une orchidée extraordinaire par H.G. Wells. Il y a, à acheter des orchidées, le même intérêt qu'à jouer à la bourse, c'est de la spéculation. Vous n'avez devant vous qu'un morceau de velours, tout recroquevillé, de couleur brune. Pour le reste, vous devez vous en rapporter selon vos dispositions au commissaire-priseur, ou à votre goût, ou à votre veine. Il se peut que la plante soit mourante ou morte. Il se peut aussi que pour le prix qu'elle vous coûte, vous avez fait une bonne acquisition, une belle affaire. Il se peut même, le cas s'est présenté bien des fois, que se développe lentement, jour à jour, sous les yeux de l'heureux acquéreur, quelques nouvelles variétés, quelques trésors inconnus, un étrange enroulement du label homme, ou une nuance particulièrement délicate, ou une grimace inattendue. Sur une tendre tige verte, s'épanouira un objet d'orgueil et de profit, qui vous vaudra peut-être même l'immortalité. Car enfin, il se peut qu'il faille alors désigner un nouveau miracle de la nature par un nouveau nom, et quel nom, je vous prie, pourrait convenir aussi bien que le nom même de qui l'a découvert. C'était sans doute l'espoir de quelques retrouvailles qui faisait de Winter Wedderburn un client si assidu des ventes de ce genre, sans compter qu'il n'avait rien de mieux à faire dans le monde. Il était timide, isolé, tout à fait inutile, jouissant d'un revenu à peine suffisant pour lui permettre d'échapper à l'aiguillon du besoin et trop dépourvu d'énergie pour rechercher un travail régulier. Il aurait pu collectionner des timbres, des monnaies, traduire Horace, relier des livres, etc. Mais non, il se trouva qu'il cultivait des orchidées et qu'il avait une prétentieuse petite serre chaude. « J'ai idée, » dit-il une fois en prenant son café. « J'ai idée qu'il m'arrivera quelque chose aujourd'hui. » Sa parole était lente, comme ses mouvements et comme sa pensée. « Oh, ne dites pas cela !» s'écria sa gouvernante, qui était en même temps sa cousine éloignée. Quelque chose sur le point d'arriver, cela signifiait pour elle une imminente catastrophe. « Vous me comprenez mal. Je ne prévois rien de désagréable, quoiqu'en vérité je sache à peine ce que je pressens. » « Aujourd'hui, » poursuivit-il après une pause, Peters doit vendre un stock de plants des îles Andaman et des Indes. Je vais aller voir ce qu'il a. Il se pourra après tout que j'achetasse, par aventure, quelque chose de bien. Il tendit sa tasse, prenant une seconde fois du café. Est-ce qu'il s'agit des pièces réunies par ce pauvre garçon dont vous me parliez l'autre jour? Demanda sa cousine tout en remplissant la tasse. Oui, dit-il. Puis il regarda sa tartine d'un air de méditation. Rien ne m'arrive jamais à moi. Reprit-il bientôt, comme se parlant à lui-même. « Je me demande pourquoi. Assez de choses arrivent pourtant aux autres. Voilà Harvey, par exemple. Eh bien, rien que l'autre semaine, le lundi, il a trouvé 10 sous. Le mercredi, tous ses poulets ont été malades. Le vendredi, son cousin est revenu d'Australie. Le samedi, il a pincé une entorse. Quelle série d'émotions, tandis que moi. J'aimerais mieux, à votre place, ne pas en avoir tant. Ça ne vous vaudrait rien. » « Oui, je me dis bien que ça doit être ennuyeux. Et pourtant, vous le voyez, il ne m'arrive jamais rien à moi. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais eu d'accident. Quand je suis devenu grand, je n'ai jamais eu de folle passion. Je ne me suis jamais marié. Vraiment, j'en suis à me demander l'effet que cela produit lorsqu'il vous arrive quelque chose de vraiment particulier. » Ce collectionneur d'orchidées n'avait que 36 ans, 20 ans de moins que moi quand il mourut. Et il s'était marié 2 fois. Il avait divorcé 1 fois. Il avait eu la malaria 4 fois. Il s'était cassé la cuisse 1 fois. Un jour, il tua un malais. Et un autre jour, il fut blessé par une flèche empoisonnée. Enfin, il fut mangé par les sangsues de la jungle. Tout ça doit avoir été bien désagréable, mais aussi bien intéressant, n'est-ce pas? Exception faite peut-être des sangsues. Wedderburn rêva encore, puis tira sa montre. 8h23. « Je prends le train de 12h15. J'ai donc plus de temps qu'il n'en faut. Et j'ai envie de mettre ma jaquette d'alpaga. Elle est bien assez chaude, avec mon chapeau de feutre gris et mes souliers jaunes. Je pense que... » Il lança un regard par la fenêtre, sur le ciel serein, sur le jardin tout clair de soleil, parut incertain, et consulta le visage de sa cousine. « Vous feriez mieux, je crois, de prendre un parapluie si vous allez à Londres, » dit celle-ci d'une voix qui n'admettait pas de réplique. Le temps peut changer d'ici votre retour. » Quand il revint, il était dans un état de douce agitation. Il avait fait une acquisition. son esprit parvenait rarement à se déterminer assez vite pour qu'il pût mettre une enchère, mais cette fois, il l'avait fait. « Ce sont des Vandas, » dit-il, « puis un dendrobium et quelques paléophonis. » Tout en avalant un potage, il regardait avec amour ses emplettes. Elles étaient étalées devant lui sur la nappe immaculée. Elles racontaient toute leur histoire à sa cousine, en flânant, en oubliant son dîner. C'était son habitude, dans la soirée, de passer en revue toutes ses courses de Londres, pour elle et aussi pour son propre amusement. « Je savais bien qu'il m'arriverait quelque chose aujourd'hui. Voilà, j'ai acheté tout cela. Quelques-unes de ces fleurs, vous m'entendez ? Quelques-unes de ces fleurs, j'en suis sûr, seront remarquables. J'ignore comment cela se fait, mais je me sens aussi assuré que si quelqu'un me l'avait dit, que quelques-unes de ces fleurs seront remarquables. Celle-ci, elle montrait du doigt un rhizome tout ridé, n'était pas classée. Cela peut être un paléonophis ou autre chose. Il est possible que ce soit une nouvelle espèce ou même un nouveau genre. C'était la dernière pièce que le pauvre Batten ait recueillie. « Je n'aime point sa mine, » dit la gouvernante. « Quelle forme hideuse. Pour moi, c'est à peine cela une forme. Voyez donc ces espèces de cordons de pattes repliées qui sortent d'elle. Elle sera mise dans un pot demain. Elle a l'air d'une araignée qui effraie la morte. » Wedderburn sourit et la tête penchée sur le côté examina la racine. « Ce n'est certainement pas un bel échantillon, mais on ne peut jamais juger ces choses-là d'après leur apparence à l'état sec. Ça peut devenir une très belle orchidée. » Comme je serai occupé demain. Je vais réfléchir cette nuit à ce qu'il faut faire de tout cela, et demain, je me mettrai à l'ouvrage. Figurez-vous, continua-t-il, qu'on a trouvé le pauvre Batten étendu mort ou mourant dans un marécage de mangliers, j'ai oublié lequel, et précisément avec une de ses orchidées écrasées sous son corps. Il avait souffert pendant quelques jours d'une espèce de fièvre du pays, et je suppose qu'il s'évanouit. Ces marécages sont très malsains. Tout son sang, jusqu'à la dernière goutte, fut sucé par des sangsues. Il se peut que ce soit la recherche précisément de cette plante qui lui a coûté la vie. Je n'en augure rien de mieux pour cela. Enfin, les hommes doivent travailler, même quand les femmes pleurent, prononça Wedderburn avec une profonde gravité. C'est bien bizarre d'aller mourir loin de tout confort, dans un marais pestilentiel. Bien bizarre d'être malade de la fièvre, avec rien à manger, si ce n'est de la chlorodine et de la quinine, avec personne autour de soi, sinon d'horribles indigènes. On dit que les naturels, les lisanes d'amant, sont des êtres tout à fait repoussants, et dans tous les cas, n'ayant pas l'éducation nécessaire, ils peuvent difficilement faire de bons gardes-malades, et tout cela pour que des gens d'Angleterre possèdent des orchidées. Je ne suppose pas que ce fût confortable, mais il est des hommes qui paraissent prendre du plaisir dans le danger. Quoi qu'il en soit, les naturels de sa troupe furent assez civilisés pour prendre soin de toutes ses collections jusqu'à ce que son collègue, un ornithologiste, revînt de l'intérieur. Toutefois, ils ne purent pas dire l'espèce de l'orchidée, et ils l'avaient laissé se flétrir. Cela donne un singulier intérêt à ces plantes. C'est-à-dire que ça les rend dégoûtantes. J'aurais peur, moi, qu'un peu de cette malaria n'y fût attachée. Pensez donc, il y a eu un cadavre sur cette vilaine chose. Je n'y avais pas encore pensé. Et voilà, je déclare qu'il m'est impossible maintenant d'avaler une bouchée. Je vais, si vous le désirez, les enlever de dessus la table et les mettre dans l'embrasure de la fenêtre. Je les verrai là tout aussi bien. Les jours qui suivirent, il fut extrêmement occupé dans sa petite serre pleine de buée, donnant toute son attention au charbon, à la mousse, à tous les soins mystérieux d'un éleveur d'orchidées. Il se croyait à la veille d'un jour fécond en événements merveilleux. Le lendemain, le soir même peut-être, il parlerait aux amis de ses orchidées nouvelles, et toujours il revenait sur son attente de quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs des Vandas et le dendrobium moururent malgré les soins, mais dans le même temps, l'étrange orchidée commença à donner signe de vie. Ce fut du ravissement, et sur le champ, il arracha sa gouvernante à la fabrication des confitures pour qu'elle va voir la plante aussitôt qu'il le fait la découverte. « Ceci est un bourgeon, » dit-il, « et bientôt il y aura là un petit bouquet de feuilles. Ces petites choses qui poussent ici, ce sont des racines aériennes ou adventives. Elles me font l'effet de petits doigts blancs. Elles ne me plaisent pas. Et pourquoi cela ? Je ne sais pas. Elles ont l'air de doigts qui chercheraient à vous atteindre. je ne peux rien sur mes sympathies ou mes antipathies. Je n'oserai point l'assurer, mais je ne crois pas qu'il existe d'autres orchidées qui aient des racines aériennes comme celle-ci. Cela peut n'être qu'une idée à moi, d'ailleurs. Vous voyez, elles sont un peu aplaties à l'extrémité. « Je ne les aime point, » répéta la gouvernante, frissonnant tout à coup et se détournant. « C'est bête de ma part, si vous voulez, mais vraiment je suis contrarié de vous voir entiché de cette vilaine chose. Je ne peux m'empêcher de penser à ce cadavre. Mais il est possible que ce ne soit pas précisément ce pied-là qui était sous le corps. C'était simplement une conjecture. » La gouvernante haussa les épaules. « En tout cas, conclut-elle, je ne l'aime pas. » Wedderburn fut un peu blessé de cette répugnance, mais il ne se priva pas pour cela de lui parler des orchidées en général ou de celles-là en particulier chaque fois qu'il en eut envie. « Il y a sur les orchidées des choses bien singulières, » dit-il un jour. « Toutes les surprises sont possibles. Vous savez, Darwin a étudié leur mode de reproduction et démontré que toute la structure de la fleur ordinaire avait pour fin de permettre aux papillons de transporter le pollen d'une plante à une autre. Eh bien, je crois qu'il y a des espèces connues dont la fleur ne peut pas se prêter à ce mode de fécondation. Quelques-uns des cypripédiums, par exemple, on ne connaît pas d'insectes qui puissent les féconder, et certains même n'ont jamais été trouvés avec des graines. Mais alors d'où proviennent les jeunes plants? Des pousses et des tubercules, et de cette espèce de rejeton. Cela s'explique facilement. L'énigme, c'est de savoir à quoi servent les fleurs. Or, très vraisemblablement, ajouta-t-il, mon orchidée est à cet égard d'un intérêt extraordinaire. J'ai souvent pensé à renouveler les recherches de Darwin. Jusqu'à présent, je n'en avais pas trouvé le loisir. Toujours quelques circonstances est venue m'en empêcher. Les feuilles commencent à se développer maintenant. Je vous en supplie, venez les voir. Mais elle déclara que la serre était si chaude qu'elle y prenait des douleurs de tête. D'ailleurs, elle avait encore vu la plante récemment, et les racines adventives, dont quelques-unes avaient maintenant plus d'un pied de long, lui avaient malheureusement rappelé des tentacules cherchant à attraper le monde. Elle lui donnait des rêves. Elle les voyait pousser dans sa direction avec une rapidité prodigieuse. Aussi s'était-elle résolue à ne jamais revoir cette vilaine plante, que Wedderburn alla tout seul en admirer les feuilles. Elles étaient comme forme de la largeur ordinaire, mais d'un gros vert brillant, avec de petits points rouges foncés du côté de la base. Il n'avait jamais entendu parler de feuilles semblables. La plante était placée sur un banc peu élevé, auprès du thermomètre, et tout à côté se trouvait un appareil dont le robinet laissait tomber goutte à goutte pour charger l'air de vapeur, l'eau chaude des réservoirs. Et Wedderburn en était arrivé à passer presque régulièrement ses journées à méditer sur la floraison imminente de cette plante étrange. Enfin, le grand événement survint. À peine entré dans la petite maison de Berre, il reconnut que la pointe avait percé, quoquque le grand palénophis Lowy cachât le coin où se trouvait son nouveau favori. Car il y avait dans l'air une odeur nouvelle, un parfum suave, délicieux, pénétrant, qui dominait tous les autres dans cette petite serre encombrée. Il ne l'avait pas plutôt remarqué qu'il se pencha précipitamment sur l'extraordinaire orchidée. Les pointes vertes, traînant à terre, portaient maintenant trois grandes fleurs d'où provenait ce parfum si fort. Il resta immobile, en admiration, en extase. Les fleurs étaient blanches, avec des stries oranges dorées sur les pétales. Le lourd labellum était enroulé d'une manière compliquée, et des tons étonnants de bleu et de pourpre se mélangeaient alors. Wedderburn vit tout de suite que le genre était absolument nouveau. Et ce parfum insupportable, comme l'endroit était chaud, les fleurs se développaient sous ses yeux. Il voulut voir si la température était bonne. Il fit un pas vers le thermomètre. Subitement, il vit toute chose vaciller. Les briques du carrelage dansaient dans tous les sens. Les feuilles blanches, les feuilles vertes, la serre elle-même semblaient fuir sur le côté et suivre une ligne courbe vers le ciel. À 4h30, la cousine prépara le thé selon l'habitude invariable, mais Wedderburn ne rentra pas pour prendre le sien. « Il est encore en adoration devant son affreuse plante, » se dit-elle, et elle attendit quelques minutes. « Sa montre a dû s'arrêter, je vais aller le chercher. » Elle alla tout droit à la serre et, ouvrant la porte, l'appela. Pas de réponse. Elle remarqua que l'atmosphère était lourde et chargée d'une odeur très forte. Puis elle aperçut quelque chose étendu sur le sol entre les conduits d'eau chaude. Pendant une minute environ, elle demeura immobile. C'était bien lui. Il était couché sur le dos, au pied de l'étrange orchidée. Les racines adventives ne se balançaient plus librement dans l'air, semblables à des tentacules. Elles étaient entrelacées tout ensemble, comme un enchevêtrement de cordes grises. Elles déployaient leurs extrémités étroitement appliquées à son menton, à son cou, à ses mains. D'abord, elle ne comprit pas. Puis elle s'aperçut que, de dessous l'une de ses tentacules triomphantes appuyées sur sa joue, il coulait un petit filet de sang. En poussant un cri inarticulé, elle se précipita vers lui. Elle essaya de le délivrer de ses suçoirs, véritable sangsue. Elle brisa deux des tentacules, leur sève s'écoula en gouttelettes rouges. L'odeur accablante de la fleur commençait à lui faire tourner la tête. Elle arracha ses liens résistants, comme il se cramponnait à la chair humaine. Mais il lui sembla que le corps et la blanche inflorescence glissaient vers elle. Elle sentit qu'elle allait s'évanouir, et comprit qu'il ne le fallait pas. Elle lâcha tout, et ouvrit en hâte la porte la plus voisine. Quand elle eut, pendant un moment, repris haleine à l'air frais, une inspiration intelligente lui vint. Elle ramassa vivement un pot à fleurs et le lança dans les vitres, à l'extrémité de la serre, pour établir un courant. Puis elle rentra. Avec de nouvelles forces, elle dégagea le corps inanimé de Wedderburn, les étreintes de ses bras qui s'attachaient encore avec une effrayante ténacité à leur victime. D'un dernier effort frénétique, elle traîna le corps et la plante à l'air libre. Puis il songea enlever l'une après l'autre les racines à suçoir. En une minute, elle avait débarrassé Wedderburn et écarté de lui l'horrible plante. Il était blême et portait une douzaine de plaies circulaires saignantes. À ce moment, un domestique remontait le jardin, surpris par le bruit des glaces brisées. Il vit tout à coup la gouvernante surgir devant lui, traînant de ses mains tachées de rouge un corps inanimé. Au premier moment, il pensa des choses impossibles. « Apportez de l'eau » cria-t-elle, et cette voix dissipa ses imaginations. Quand il revint, apportant de l'eau en toute hâte, il la trouva en larmes, très émue, la tête de Wedderburn sur ses genoux, essuyant la figure ensanglantée. « Qu'est-il donc arrivé ?» demanda Wedderburn en ouvrant faiblement les yeux pour les refermer aussitôt. « Allez dire à Annie de venir ici, puis allez demander d'urgence le docteur Haddon, » dit la gouvernante domestique dès qu'il eut apporté de l'eau. Elle ajouta, le voyant hésiter, « Je vous raconterai tout ce qui s'est passé quand vous reviendrez. » Bientôt, Wedderburn ouvrit de nouveau les yeux. Comme il était visiblement troublé de ce que sa position avait de bizarre, elle lui expliqua. « Vous vous êtes trouvé mal dans la serre. »« Et l'orchidée ? Je m'en occuperai, » dit-elle. Wedderburn avait perdu une grande quantité de sang. Mais à part cela, il n'avait pas eu beaucoup de mal. On lui fit prendre du brandy mélangé avec un peu d'extrait de viande et on le porta dans son lit. La gouvernante raconta en gros l'incroyable histoire au docteur Haddon. « Venez voir la serre, » ajouta-t-elle. L'air frais du dehors avait pénétré par la porte ouverte et l'odeur malsaine était presque dissipée. La plupart des petites racines aériennes gisaient déjà flétries sur les briques, au milieu de nombreuses taches sombres. La tige de la plante s'était brisée dans sa chute. Les fleurs devenaient ternes et molles à la bordure des pétales. Le médecin se baissa. Il vit que l'une des racines s'agitait faiblement et l'hésita. Le lendemain, l'étrange orchidée était toujours là, mais noire maintenant et en décomposition. Par intervalles, la porte battait bruyamment sous le vent du matin, et toute la collection des orchidées de Wedderburn était ratatinée, gelée, effondrée. Mais Wedderburn lui-même était debout, radieux, loquace, et empressé à conter son étrange aventure. C'était une orchidée extraordinaire par H.G. Wells.